Qu'est-ce qu'il est grand ? 2. Assieds-toi sur ce banc. 3. Qu'est-ce qu'il vend ? 4. Il aime les chiens, mais préfère les chats. 5. Où est-ce qu'il va ? 6. Il a gagné le gros lot. 7. Qu'est-ce qu'ils font ? 8. Je mange de la viande de veau. 9. Ce que tu dis est faux. 10. Tu n'aimes pas les bonbons. 11. Sophie est dans son bain. 12. Tu n'as pas faim ? 13. Salut, je m'en vais. 14. Tu manges trop de pain. 15. Il habite 5 rue de la Paix.